La semaine dernière, nous avons vu comment Jean-Baptiste a été suscité pour préparer le chemin de son maître Jésus-Christ. Le message qu'il proclamait au désert atteignait toutes les classes de la société. Et c'est ainsi qu'il pénétra même dans le palais d'Hérode Antipas, ce roi fourbe et vil qui vivait dans l'adultère, et à qui Jean-Baptiste a dit, Marc 6, 18, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Ah, il fallait du courage à Jean pour exhorter le roi de changer de vie. Mais comment les foules auraient-elles trouvé son message crédible s'il n'avait convié que les pauvres à la repentance en ménageant les riches et les grands de ce monde? Or, Hérode ne voulait surtout pas changer de conduite. Aussi a-t-il ajouté à ses mauvaises actions celle d'enfermer Jean dans la forteresse de Machaïrus, appelée aujourd'hui l'Hérodion. Nous ne savons pas combien de mois ou d'années a duré la détention de Jean, mais dans sa cellule, il avait certes plus de temps pour réfléchir, et Satan en a profité pour le tourmenter. Période d'autant plus sombre pour Jean qu'il aurait bien voulu être témoin oculaire des événements bouleversants qui, entre-temps, avaient projeté sur l'avant-scène celui dont il avait préparé le chemin. Partout, Jésus guérissait les malades, accomplissait des miracles, et les foules venaient à lui. De toute évidence, Jésus était donc le Messie promis. À moins que Jean eût soudain certains doutes. Le Messie, ne devait-il pas avant tout libérer la Palestine du joug romain pour que la nation entière le proclame comme roi? Or, au fil des semaines et des mois, Jean a dû être informé que les chefs religieux s'étaient détournés de Jésus et complotaient même de le faire mourir. Il y avait donc de quoi se poser des questions. Pourquoi, face à tant de miracles, les Juifs ne le reconnaissaient-ils pas publiquement comme Messie? Et finalement, pourquoi Jésus ne faisait-il pas quelque chose de spectaculaire pour obliger toute la nation à l'acclamer roi? À moins qu'après tout, Jésus ne soit pas le Messie promis. N'y tenant plus, Jean décida d'envoyer par ses disciples un message à Jésus. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu 11, 3. Cette phrase traduit toute l'anxiété de l'esprit tourmenté de Jean. Ah, chers amis, le plus grand des prophètes a eu ses moments de perplexité et de doute. Il a été, lui aussi, la cible des accusations perfides du diable. Satan, nous dit Apocalypse chapitre 12, verset 10, est l'accusateur des frères. Non pas l'accusateur des mondains, des inconvertis, mais celui des frères, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Alors, avons-nous lieu d'être surpris que le diable se fasse un malin plaisir de nous viser aussi par ses attaques, cherchant à neutraliser nos volontés et à paralyser notre résistance spirituelle? Cependant, comment pouvons-nous parer à ces flèches empoisonnées? L'Écriture nous dit « Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 16. Par sa réponse, Jésus a en quelque sorte tendu le bouclier de la foi à Jean jusque dans sa prison. L'Ancien Testament avait prévu que les miracles messianiques authentifieraient celui que Dieu allait envoyer. Or Jean ne devait-il pas à son tour interpréter par l'Écriture sainte les événements dont il était le témoin à distance depuis sa cellule de prisonnier? Aussi, ses propres disciples lui ont-ils transmis cette réponse de Jésus. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Matthieu 11, versets 4 à 6. Peut-être que les disciples de Jean ont encore pu lui communiquer quelque chose de leur enthousiasme, puisqu'à l'heure même, selon Luc 7, Jésus avait opéré plusieurs guérisons extraordinaires. Le plus sûr moyen de délivrance face aux doutes et aux accusations qui nous tourmentent est de réaffirmer, même à l'heure du plus sombre découragement, notre confiance absolue dans le texte intangible et immuable de la parole divine. Cette parole eut sans doute alors un impact rassurant sur l'esprit de Jean-Baptiste dans sa cellule, puisque, conformément à ce qui était écrit, le Messie faisait tant de miracles. Dès lors, Jean a pu poursuivre son ministère dans la même constance et avec la même fidélité qu'avant son emprisonnement. Aussi, lorsqu'un jour Jean a vu le roi Hérode lui-même arriver dans sa cellule, il a pu à nouveau l'exhorter. Peut-être a-t-il eu avec lui même plusieurs entretiens, car c'est à ce propos que nous lisons. Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Marc 6, 20. Mais la perplexité d'Hérode ne l'empêchait pas de jouer avec la vérité, car il n'avait pas la force d'abandonner son vice. Hérode devait être d'un caractère mou, et il ne pouvait plus rien devant la femme qui dominait sa vie. Or, Satan guettait son occasion. Un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Marc 6, 21. Chers auditeurs, Satan ne connaît-il pas les jours propices où il pourra nous surprendre dans nos points faibles pour ensuite nous assujettir et nous vaincre? Il guette les occasions favorables pour nous faire tomber, comme il le fit pour Hérode, victime à la fois de sa passion et de son orgueil. Hérodias, la maîtresse d'Hérode, avait une fille nommée Salomé qui, après le repas, a dansé et plu à tous les convives. Peut-être Hérode était-il sous l'effet des vapeurs de l'alcool et qu'il ne se contrôlait plus tout à fait. Toujours est-il qu'il a fait alors à Salomé une proposition démentielle. « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Marc 6, 22 à 23. Hérode n'a sans doute pas mesuré ses paroles, car il était suffisamment accroché au pouvoir pour ne vouloir céder aucune portion de sa souveraineté. Face à cette offre insensée, Salomé elle-même n'a pas su que demander. Mais elle s'est empressée de consulter sa mère, qui, elle, n'a pas voulu rater une si belle occasion pour se débarrasser enfin de Jean-Baptiste, le trouble-fête de son pseudo-foyer. Exiger immédiatement la tête de Jean-Baptiste mettra certes Hérode dans l'embarras. Mais devant les convives, il n'osera se rétracter et il sera obligé d'obtempérer. Et l'on verra bien alors ce que deviendront ses scrupules de conscience qui jusqu'ici l'avaient rendu perplexe au sujet du prophète. Sitôt dit, sitôt fait. Et un garde est revenu de la forteresse avec la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Marc 6, 28. Ainsi, par la sordide intervention d'une femme despote dominant un roi vicieux, périt le plus grand des prophètes, le précurseur du Messie. Cependant, Jean-Baptiste mort, son souvenir n'a cessé de hanter la conscience du roi Hérode. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts. » Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Marc 6, 14. Une hantise qui sans doute s'est accrue au fil des années. Et le jour vint où, alors que la Pâque des Juifs était célébrée en grande pompe à Jérusalem, Jésus a été arrêté sur l'ordre des autorités religieuses pour être amené devant Pilate, le gouverneur romain. Pilate, ayant appris que Jésus était de la juridiction d'Hérode, s'empressa alors de le lui renvoyer. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Luc 23, 8 à 11. Pourquoi Jésus n'a-t-il rien répondu à Hérode ? Parce qu'il avait déjà eu son occasion, que dis-je, ses multiples occasions pour se repentir, et surtout qu'il avait piétiné la vérité de Dieu en ordonnant l'assassinat de Jean-Baptiste. Fait infiniment solennel, Hérode s'était ainsi exclu de toute possibilité de repentance et d'accès à la vie éternelle. Et il en sera de même, hélas, pour d'innombrables âmes qui découvriront un jour, trop tard, qu'il aurait fallu se décider pour Dieu au moment opportun. C'est pourquoi permettez-nous d'insister auprès de vous, chers auditeurs, en vous suppliant avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien que nous consacrerons encore une émission à Jean-Baptiste, constatons-le d'emblée, Jean a été un serviteur digne de son divin maître. Comme Jésus-Christ, il a été rejeté. Il a été l'objet d'un vil complot. Il a été arrêté par les hommes. Il a connu les tourments. Il a souffert. Il a été frappé injustement. Il a connu une mort brutale. Mais comme son maître, il a été victorieux au travers de sa faiblesse. Et avec son maître, il partagera la gloire et la récompense destinées à ceux qui auront vaincu. Alors, chers amis, êtes-vous d'accord de suivre les traces de Jean-Baptiste, qui sont celles de Jésus-Christ ? Êtes-vous prêt à souffrir avec Jésus-Christ pour qu'un jour vous ayez part à son règne ? N'oublions pas la promesse. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Épître à Timothée, chapitre 2, verset 12. Que le Seigneur vous bénisse.